Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Black M. Passez une bonne soirée et bienvenue, une nouvelle semaine. Et quelle semaine! Une grosse semaine. Aïe, aïe, aïe, grosse beaucoup semaine. Plus grosse que le monde. Ah, semaine Black. Eh oui, Black M est là avec nous. Entre 20 et 21, tous les soirs de la semaine. Comment ça va, Black M? Ça va très, très, très, très, très bien. À 7 jours de la sortie maintenant. J-7, toi. J-7 avant la sortie. Des yeux plus gros que le monde. Moi, j'ai de la chance, je l'ai récupéré, cet album. Regarde-moi ça comme il est beau. Ouais, très, très belle pochette. Je l'ai en support physique, mais on peut aussi le précommander. Et il y a une super bonne nouvelle pour ceux qui vont le précommander. Pourquoi pas dès maintenant? Exactement. Il y a carrément un titre qui arrive chaque jour, c'est ça? Chaque jour, ouais. Pour tous ceux qui ont précommandé l'album, et ben chaque jour ils reçoivent un morceau en exclu sur iTunes directement. Et aujourd'hui, le morceau que les gens qui ont précommandé, ils ont reçu, c'est Sur ma route. Donc vous l'avez reçu. Dites-nous déjà, ceux qui ont précommandé l'album, ce que vous pensez de ce morceau Sur ma route. On commence à en connaître quelques-uns de morceaux extraits de cet album. Il y a Qatari qui est arrivé vendredi. Ouais, Qatari, il arrive. C'est ça, je me trompe pas. Il y avait Spectateur. Spectateur aussi. Il y a quelques mois en arrière. Et ailleurs. Et ailleurs aussi. Et puis évidemment, ce fameux Madame Pavoschko. Madame Pavoschko. Des nouvelles de Madame Pavoschko? La vraie? Toujours pas, on se cache. Toujours pas de nouvelles? On se cache. Malgré qu'elle nous voit, nous on se cache. C'est pas tout à fait son vrai nom, il paraît. J'ai modifié. Tu voulais pas avoir de. Je veux pas l'embêter. Mais c'est proche, on m'a dit que c'était assez proche quand même. Je sais pas qui t'a dit ça, c'est peut-être une mauvaise source. Ah, c'est une mauvaise source? On sait pas. Tu confirmes pas? Je confirme pas du tout. Vaut mieux pas confirmer. Pour pas je confirme pas. Mais pas de problème, pas une nouvelle par voie judiciaire. Non, rien de tout ça. A priori, elle se souvient pas trop de toi. Elle se souvient pas pour l'instant. Aucun signe de vie. Si Madame Pavoschko nous écoute cette semaine, qu'elle n'hésite pas à passer un petit coup de fil dans l'émission ou envoyer un message au 41759. C'est parti aussi avec le hashtag Black M sur Skyrock. Faites-nous péter ça en TT. Allez-y pour soutenir Black M. On rappelle que si vous précommandez l'album, vous avez un titre qui arrive chaque jour en plus. Yes. Donc là aujourd'hui, il y a Sur ma route qu'on écoutera. Ouais. Et puis on va débuter avec le morceau Madame Pavoschko. Moi j'ai pas vu le clip. Eh ben c'est ça que j'aimerais te montrer là tout de suite. Parce qu'il est arrivé là, il est arrivé quand ce clip? Il est arrivé cet après-midi et bon, il y en a, ils l'ont déjà découvert. Moi je l'ai vu tout à l'heure. On peut saluer les gens qui sont autour de toi aussi. Hein. Il y a l'équipe du Watchback qui est là. Je suis avec l'équipe, je suis avec l'Institut. Le docteur Beriz qui est là parmi nous. Le docteur Beriz. Abou de Beng qui est là. Yeah. Bien quoi, Fred? Ça va enfin? Bah, il y a tout le monde qui arrive. Non, mais il y a tout le monde. Petit à petit, comme d'habitude. Je connais, bien entouré, comme d'hab. Est-ce que Raja est dans le coin? Toujours caché. Je veux venir parce qu'en fait, il y a ton code sur l'ordi, je vais pas pouvoir voir le clip. Ouais, elle est là. Donc, c'est un peu. Oh là, docteur Beriz, reste avec nous. Les images sont sur skyrock.fm. J'ai perdu le code parce que j'aimerais bien qu'on fasse un simultané, c'est-à-dire qu'on va balancer le son du clip. C'est une très bonne idée. Et en même temps, comme ça, je peux découvrir les images. Allons-y. On est prêt? Alors, attention, je vais donner un top. 3, 2, 1, top. Yeah. Madame Pavoschko. Les images et le son sur skyrock.fm, c'est parti. L'album sort lundi prochain. C'est bon là, Fab, c'est parti? Ok. Ce son est une dédicace à Madame Pavoschko. Vous vous souvenez? Monsieur Diallo. Aïe, Madame Pavoschko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavoschko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoschko. Oui, oui, oui, oui, Madame Pavoschko. J'ai toujours un d'inspi, Madame Pavoschko. C'est pour mes gars, so oui, Madame Pavoschko. Si vous voulez, on se tweet, Madame Pavoschko. Et ça fait solo, tête solo, je me suis dit, c'est le moment, mais le fire. Le petit Renoir qui grattait des couplets de barge. Fuck le délégué, dites-moi où est le mic. On dirait comme un pouka, wesh, d'où M-Snipe. Ma vie, les cours, oui, oui, oui, oui, je m'en bats. Les c***, oui, je sais, c'est dommage. Du coup, vos surveillants sont contre moi. Moi, moi, ah. Aïe, Madame Pavoschko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavoschko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoschko. Oui, oui, oui, oui, oui, Madame Pavoschko. J'ai toujours autant d'inspi,

Bon, ça t'a fait rire, le Michael Jacksonage, ou pas? Le Michael Jacksonage m'a fait rire, le Madonna sur la fin m'a fait rire. Non, non, c'était très bon. Non, vraiment, allez mater les images. Je n'ai pas vu le clip, allez le mater, là, pendant la pub, là, dans un instant. Vous verrez qu'Eva Adams qui nous a fait, qui nous fait un petit... sachez que, voilà, j'ai participé à ce clip, évidemment, en tant que pote, mais avant tout en tant que fan. Donc, un gros fan de monsieur. Je trouve que c'est du très gros son. Et je trouve que c'est très bon pour nous, pour le kiff de, tu vois, quand on est en vélo, en vélib. On écoute ça dans notre iPhone, on est bien. Voilà. Je te remercie, Kev. On est ensemble. T'as envie de te jeter contre une voiture quand t'es en vélib, en fait. Voilà. T'as envie de péter les rétros avec Madame Pavouchko. Kev. Yes. Combien de temps vous connaissez tous les deux, en fait? Vous êtes croisés, Ça fait un petit moment, hein, on s'est croisés, Écoute, on s'est croisés, plusieurs fois. La première fois que j'ai rencontré Black M, c'était au Energy Music Award. Ouais. Je parle de ça il y a 2 ans. Et, ouais. Je leur avais dit, il était avec la section. C'était l'année où ils ont été la consécration de la section d'assaut au Energy Music Award. Et on s'est croisés dans les backstage. Et je lui avais dit, écoute, à l'occasion de faire un truc ensemble. Il avait été hyper cool. Après, j'avais été le voir à l'Olympia. J'avais rencontré la femme de Black M à l'Olympia. Et elle m'avait dit, je suis sa femme et tout. On regarde souvent ce que tu fais. On regarde souvent Soda. Ça nous fait marrer, nanani. Et je m'étais dit, putain, le gars, il est mortel. C'est-à-dire que moi, j'écoute ses sons quand je rentre chez moi le soir. Et lui, il regarde ma série. Putain, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ensemble. Et voilà. Comment ça s'est fait. Voilà, il a tout dit. C'est exactement ça. Et merci d'avoir été avec nous. En tout cas, rapidement, soir, je passe un moment dans la semaine. N'hésite pas à passer. Et merci, mon sens. Dans la semaine, j'ai un moment. Je viens vous voir. C'est obligatoire. Mais une chose est sûre, messieurs, dames. Ouais. Soir, la seule chose à retenir. C'est 31 mars dans les bacs, les seuls le monde. C'est exactement ça, mon sauce. Merci, Kev. Merci, Kev, d'avoir été avec nous. Je vous big up, les potos, je vous kiffe à mort et à très vite. Et nous aussi, on t'attend. À très vite. On a hâte dans les chaumières. Tout le monde attend le 31 mars dans les chaumières. Merci, ma gueule. Tu tournes un petit peu, il y a eu le carton de fiston là au cinéma, mais c'est quoi, tu tournes, t'as toujours le spectacle qui tourne aussi, Kev? Écoute, j'en profite déjà pour dire merci aux gens pour l'énorme carton de fiston. Et puis, un prochain film qui arrive cet été normalement, donc je suis très content. Et fiston, c'est quoi, un peu plus d'un million d'entrées, ça y est, c'est facile. Là, on est à 1,5 million d'entrées. Le million. Grand bravo. Bravo. Merci mon pote. 1,5 million d'albums en une semaine pour Black M. Ça va être la même. Qui dit mieux, Black M, 1,5 million, ok, c'est parti. 1,5 million, let's. Bon, merci d'avoir été avec nous en tout cas. Yes. Merci, mon sauce. Salut les potos. Ciao. Et tu reviens freestyler aussi quand tu veux dans l'émission, tu sais qu'il est très fort en freestyle, Black. Ah ouais? Je passe dans la semaine. Ok, bon, les gars. Parfois, il prend des blases bizarres, il intervient dans l'émission avec des blases bizarres, juste pour kicker. Vas-y, on se voit. Merci, Kev, ciao. Salut à tous. Ciao, Black M sur Skyrock. Revenons un petit peu quand même d'ailleurs sur l'histoire de cet album, quand même, Les Yeux Plus Gros Que Le Monde, qui sort dans une semaine. Exact. Tu l'as commencé quand, toi, celui-ci? Alors, j'ai... Pendant la tournée section? Ouais, c'est ça, ouais. Je me suis clairement penché dessus... durant la tournée section d'assaut de l'année dernière, j'avais quelques morceaux, des maquettes à gauche à droite, et surtout j'avais le soutien de l'équipe qui m'aidait beaucoup sur la réalisation. Et voilà, il est né l'année dernière et avec le temps, ça a donné Les Yeux Plus Gros Que Le Monde. Les Yeux Plus Gros Que Le Monde, c'est aussi une consécration, voilà, depuis tout le temps où vous rappelez, il y a eu évidemment le carton de la section d'assaut. Ouais. Toi aussi, ça remonte à loin, hein, cette époque où ça kickait un peu partout. Ça remonte à des années maintenant, plus de 10 ans. Plus de 10 ans, tiens, il y avait ça, on s'est replongé un petit peu dans la discographie de Black M, il y avait notamment ce morceau. Attention. Qu'est-ce que vous êtes parti? Écoute. Et maintenant, le plan final. Que des surprises. C'est quoi ça déjà? Ah, j'ai trouvé la bonne réponse. Blind test. Le pacte. Avec mon gars Bakri, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ah ouais, vous êtes parti de ça? Ouais, je me souviens. Tu te souviens même quand t'as enregistré ce morceau ou pas? Je l'ai enregistré à Gare du Nord, ce morceau. Ouais. Dans un studio à Gare du Nord avec mon gars Bakri, que je vois toujours d'ailleurs, grosse dédicace à Bakri. C'était un petit EP que j'avais fait avec lui à l'époque, avec les moyens du bord. Il y avait aussi sur ce EP, on retrouvait, il y avait Lefa, Gims. Il y avait toute la section. Il y avait pas mal de Kanama qui était là-dessus. Ouais, exactement. Ouais, grand moment, grand souvenir. C'est des gros souvenirs, hein, ça date de ouf, ce morceau. T'as eu le temps d'ailleurs de, je voulais qu'on revienne un peu et remettre ce morceau, voilà, qui fait partie des tout premiers que t'as pu enregistrer. Mais, Bengale apparaît. Sur un bout de Bengale apparaît. Quand il intervient, lui, c'est chaud. Attention, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Déjà, bonsoir à toi, Fred. Alors, attention. Tiens, juste à dire qu'au bout de 10 minutes, bon, depuis tout à l'heure, vous parlez, on est déjà entêté. Donc, voilà, on va faire un tonnerre d'applaudissements avant le début de l'émission. au bout de 10 minutes entêté pendant une semaine. Et j'ai même une info supplémentaire, pour toi complémentaire, j'ai envie de te dire. Dis-moi. Nous sommes évidemment entêtés, mais nous sommes premiers entêtés. Arrête. Ah ouais. Premiers entêtés. Ça mérite un double applaudissement, parce qu'évidemment il y a un lien qui est sponsorisé, donc je fais sauter si tu veux ce lien sponsorisé. Ouais, donc nous sommes premiers entêtés. Ben il faut continuer avec le hashtag Black M sur Skyrock. Bravo à vous. Merci à tous les Wattisoldats. Ça tue. On continue. Vas-y, je te redonne la parole. Que le début. Je peux reprendre dans ce parcours de Black M ou reprends. On y va. N'hésite pas à intervenir. C'est reparti. N'hésite pas à intervenir. Non, est-ce que t'as eu le temps de prendre un peu de recul justement avec la sortie de cet album qui arrive dans une semaine, quand on écoute des morceaux, voilà, comme je crois que c'était en 2005 celui-ci me semble. Ouais. Si j'ai pas mauvaise mémoire. Ouais, à peu près. Ouais. Grosso modo. Est-ce que t'as pris un peu de recul avec tout ce qui a pu arriver, avec la section, le carton de la section? Je vais pas te mentir, depuis le carton de la section, le recul, c'est un peu difficile, parce que c'est du non-stop. Ouais. Mais tranquille, donc vu qu'on est toujours ensemble, on se parle. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre la grosse tête ou machin, partir dans un délire bizarre. On est toujours ensemble. Donc, Et l'aventure continue. L'aventure continue cette fois-ci. Sous un autre format en solo. Bon, stressé ou pas pour la sortie? Est-ce que t'es bien? Est-ce que t'es détendu? Est-ce que t'es soulagé? Est-ce que... Les deux. Ouais, les deux. Je suis pressé de ouf qu'ils sortent. Et en même temps, j'ai un petit stress normal. Bon, on va écouter un morceau maintenant, extrait de cet album qui s'appelle Les yeux plus gros que le monde. Qu'est-ce qu'on met? On met le morceau Sur ma route ou on met un autre titre? Comme tu veux, à toi de me dire. On s'écoute Sur ma route. Sur ma route? Sur ma route d'entrée. T'es sûr? De Bang. De Bang, tu dis quoi? Je sais pas. De Bang a l'air de vouloir intervenir. Vas-y, on y va, vu sur ma route, sur ma route. Tu as beaucoup de gens qui sont là, qui te consultent. Tout le monde me dit sur ma route, ouais, tout le monde. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route. Et bien, j'ai envie de le faire en... Je vais partir en live. Et bien, on s'exclut. Et bien, à la demande générale, voici le morceau Sur ma route. Et attention, bonne nouvelle, ceux qui précommandent l'album, là, tout de suite, ouais, Sur ma route, tout vous de recevez. Suite. Tu le recevais direct. Tout de suite, il est comme resto. Il rentre direct sur ton iTunes. Allez-y, c'est parti maintenant sur Skyrock. Sur ma route, Black M. Yeah. 31 mars dans les bacs. Ah, oh, oh, oh, oh. Dans la wala la t-boss. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route. Je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route, sur ma route, j'ai eu des moments de doute, je marchais sans savoir vers où. J'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute, et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route, y'a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a pas de gens chez qui tu peux te réfugier. Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand, et on est seul, on meurt sur seul. Sur ma route, oui. L'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une pause. De route. 31 mars dans les packs. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route. ma section d'assaut. Hier, 31 mars dans les bacs, les yeux plus gros que le monde. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sur ma route, oui, il y a eu du mouvement, oui, de l'aventure dans mon vie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route. Merci pour tous vos messages. Big Black. Yeah. Sur ma route, à l'instant, Black M. Je sais pas ce que vont dire les autres et tous ceux qui sont réunis. On va pas te parler à toi tout de suite, hein, Black M. J'ai l'impression que celui-ci, ça va être un des gros cartons aussi de l'album. Hein. Écoute, je vais même pas te mentir, moi. Juste quand il y avait la maquette, quand il disait nanana, juste ça. J'ai dit, écoute, celui-là, ça. Quand il disait nanana. Il disait nanana, nanana, route. Nanana. C'est ce qu'il disait au début. Route, le yaourt, je m'en souviens parfaitement. Tu faisais ça, route. Non, franchement, il est musical et surtout le message. Nous, on les connaît depuis longtemps, comme tu as pu constater. C'est exactement ça. Nous aussi, ils nous parlent. Sur la route, il y a beaucoup d'épreuves. Quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier. Et quand tu arrives encore à voir tes potes et des gens qui te soutiennent, et vas-y, t'es content. C'est un peu la conclusion. C'est ça, le message du morceau. Ouais, c'est un peu la conclusion de tout cet album. Ouais, parce qu'il arrive à la fin, en fait. Bah, j'ai fait exprès de le mettre à la fin. À la fin, il y a l'intro et puis à la fin. Ouais. Et c'est sur ma route de Black M qu'on écoute à l'instant. Exactement. Skalpovic à la prod. Le magicien. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Skalpovic, quand même. Eh ouais, dédicace à Skal. Bah, une grosse dédicace à lui, on le salue. Black M, notre invité toute la semaine entre 20 et 21. Avec cet album Les yeux plus gros que le monde qu'on découvre. Il y aura du live aussi, hein, Black M, ce soir. Il y aura du gros live. Pas du live, il y aura du gros live. Du gros live. Voilà. Du très gros live. Le gars est chaud. Le monde. Il a les yeux plus gros que le planète rap, je te dis. C'est le planète black. Fred. D'ailleurs, on peut toujours continuer à envoyer des photos, de se prendre en photo avec les yeux plus gros que. Non, ça y est, c'est fini. C'est fini. T'as vu les photos un peu déjà? J'ai vu des photos. Ouais, les gens, ils ont bien participé au truc, c'est cool. Bah, continuez peut-être pendant la semaine, envoyez-nous entre 20 et 21, même si ça compte pour du beurre. Toujours envoyer les photos, allez-y. Et puis, on va vous poser aussi une question pour repartir avec l'album dédicacé de Black M. Yes. C'est toi qui la pose ce soir? Chaque soir, une question différente ou je la pose comme tu veux? Bah, je te laisse. Et bah, je vais donc la poser pour repartir avec l'album dédicacé de Black M. Vous envoyez la réponse avec votre prénom, numéro de téléphone au 41759 avec le hashtag Black M sur Skyrock, où je rappelle numéro 1 en TT. Exactement. Ouais, même pas. Et j'ai un petit mot à dire, Fred, encore. Ah, je peux pas poser ma question, en fait. Si, ah, pose ta question et je parle juste ensuite. D'accord. vous coupez pas. Merci, monsieur De Beng. Comment s'appelle le premier projet de Black M? On a écouté un petit bout tout à l'heure. Petit extrait. Tout premier projet qu'on a passé en extrait il y a quelques minutes, sorti aux alentours 2004-2005. Ouais, c'est ça. Alors, comment s'appelait ce premier projet? Allez-y, 41-759. Vas-y, on t'écoute, à bout de bang. Ça, un petit rappel, c'est pour dire que voilà, Black, il sera en tournée dédicace à partir séance du 31 mars, en séance dédicace. Donc, le premier jour, ça sera à la Wati Boutique, 29 rue de la Ferronnerie, comme d'habitude. À Paris même. Et tous ceux qui viendront auront ce t-shirt que je vois de mes propres yeux. Ce t-shirt qu'on va t'offrir à l'instant. Oh, tiens, Fred. C'est la bonne taille? Comme d'hab. C'est quoi ta taille? Je sais pas, j'ai pris un. Oh, tu lui as donné une petite taille là. Non, mon gars, t'inquiète, il est en forme. Faut que lui aille un peu, tu connais. Alors, je le garde pour l'été, ce sera. Et donc, le 31 mars, il sera à la Wati Boutique. Le 2 avril, à Lille, au Foot Corner. Le 4 avril à Montpellier à la boutique MHSC, qui est la boutique de foot. Le 5 avril à Marseille à la Wati Boutique de Marseille. À Toulouse au Météorite. Le 9 avril, le 11 avril à Lyon au People Wears. Le 12 avril à Bordeaux, California Dream. Le 16 avril à Beauvais, à Cacheville. Le 18 avril à Rennes, à Project Store. Le 19 avril à Strasbourg, à Store 67. Le 25 avril au Food Corner du Havre. Je répète, le 25 avril au Food Corner du Havre. Le 3 mai à Béthune, à l'Intersport. Et il y aura d'autres dates qui vont être ajoutées. Bon, et ben loupez pas Black M près de chez vous avec l'album. On arrive en force. Séance dédicace. C'est pour les yeux plus gros que le monde. On va revenir dans un instant. Qu'est-ce qu'on mettra dans quelques minutes avant d'attaquer le live aussi, Black M? Après, je pense qu'on va s'écouter Spectateur. Pour Spectateur. Mettre les gens dans le bain de. On va s'écouter Spectateur. C'est un des tout premiers morceaux. C'est le premier celui-ci qui a été balancé. Nous, il va ailleurs. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Ouais, c'est le deuxième. Et bah, Spectateur qui arrive dans quelques minutes, bougez pas. Yes. Black M, notre invité, tous les soirs entre 20 et 21. On revient après ça. Black M a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est Black M, notre invité, tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Yes. Avec toujours l'équipe là. Du Watibé, il y a l'Institut. Planet là, j'ai Black. Vu une moitié de The Shinsekai. Tu sais qui c'est qui vient d'arriver là ou pas? Ah, le Watibé. Je me tais, j'en fais une minute Black. Avec cette magnifique paire de lunettes spéciales. Exactement. J'en avais fait une avec toi il n'y a pas très longtemps, il y avait une villa, mais la vidéo, elle a bugué. J'ai pas pu la sortir. Et c'est vrai, je me. Tu sous-entends que j'ai fait bugger ton truc? Je sais pas, mais en tout cas, il y a eu un bug. Et là, attention, est-ce que ça fonctionne? C'est bon, t'as appuyé, t'as enclenché? Ouais, là, j'ai appuyé, je suis en train d'enclencher. Je t'enregistre. Donc attention, roulement de tambour. Est arrivé dans les studios de Skyrock, dans le studio de Planet Rap. Le Watiboss. Il est là avec nous entre 20 et 21. Comment ça va? On est là, on court. Mais... Il y a l'album du frérot qui sort, on est venu pour le soutenir. C'est un gros album. Un petit mot sur Black M. Black M, un petit mot ou un petit souvenir de Black M. Un mot, un discours sur Black M. Un discours, alors un discours. Allons-y, un discours pour Black M. Il va être court, non, je rigole. Non, Black M, franchement, ça fait plaisir. Voilà, tu sais, on sait que voilà, un album, c'est le premier album, c'est pratiquement toute une vie musicale. Aujourd'hui, voilà, son projet, il va sortir lundi. On va dire, il en a bavé. Il a fait des efforts pour faire cet album-là. Il l'a fait avec le cœur. C'est le premier album, donc il y a eu des difficultés, il y a eu des hauts et des bas. Maintenant, l'album, il est prêt, il est chaud. Il faut aller le chercher le 31, c'est super important. C'est la famille, il faut le soutenir. Et j'ai confiance à tous mes Wattis soldats. C'était bien le mot, non? C'est beau. Ben, allez, bravo. Merci. Ça va. C'est beau. Ouais, bah c'est ça beau, c'est plaisir. Bien, c'est bien. Donc ouais, ça sort dans une semaine. C'est du beau travail. Hein. Franchement, c'est du beau travail. Je suis super content. Il a collaboré avec beaucoup de gens de qualité et voilà l'album, et je pense qu'il va être très très lourd et les gens ils vont pas être déçus. Et bah pour le découvrir cette semaine entre 20 et 21, on a 7 jours de la sortie, mais on peut le précommander et chaque soir, en plus, enfin chaque jour, il y a un chaque morceau jour, qui arrive. Il y a un morceau pour tous ceux qui ont précommandé l'album, il y a un morceau qui arrive automatiquement sur leur iTunes. Et bah allez-y. Et ce soir, c'est Sur ma route. Et Sur ma route qu'on a écouté là il y a quelques minutes, qui est un des gros morceaux de cet album. Très très lourd. Autre gros morceau qu'on va écouter maintenant, un morceau qu'on a découvert il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, c'est un titre qui s'appelle Spectateur. Spectateur, ouais. Spectateur, on a tourné le clip, il tourne déjà. Pour la petite anecdote, j'ai dansé pour la première fois dans un clip. Chorégraphie. J'ai cru que ça allait tirer dans le Watibé, mais en fait, tout le monde a kiffé. De Beng, à vous, t'as kiffé ma choré. C'est tranquille. Ça va. Non mais ouais, c'est un de mes morceaux préférés du CD. Et le clip a bien été accueilli, donc c'est cool. Et bon, on l'écoute maintenant. Allons-y. Allez, c'est parti. Ice Cube qu'on salue est au platine aussi évidemment. Spectateur tout de suite. Dédicace à tous les Wattis soldats. Je suis peu bavard, je me pose et puis j'observe. Dédicace à la boutique City Art. J'ai fait mon bout de chemin, baba. Je suis peu bavard, je me pose et puis j'observe. Mon bout de chemin, baba. Je suis peu bavard. Je me pose et puis j'observe. C'est bientôt la fin du monde, mais le monde s'en fout. Le monde lui veut faire des lovés autant que dans le foot. Certains seront sûrement sauvés. Mais moi j'ai à trop de péchés exposés. Ouais. Je dérape, tu veux que je te raconte ma story? Ces moments maudits, où le chétan est le seul spectateur qui applaudit. Et bah non, je peux pas me plaindre, mon compte il est blindé. Mon savoir est une arme qui ne cesse de tout flinguer. Mais la vie c'est pas le rap, même si je rappe ma vie. Un mal fou à être présent parce que le monde va vite. Les petits refrains sont timbrés et ne cessent de se flinguer. Les commissaires prennent un plaisir à les épingler. Et quant à nos sista, rien qu'on assista, des autodestructions. Des 31 dans les bacs, bim les gringos. Harry, les gens sont prêts à tout pour remplir le frigo. Je te dis que je suis spectateur d'un film gore et je t'avoue. Je te dis que je suis spectateur d'une vie trop courte. Si je pouvais réellement, je la referais. Spectateur d'un film gore et je t'avoue que la suite de mes frères. Spectateur d'une vie trop courte. Parce que maman se lève tôt et mes ennemis me taisent. Et entre nous dans le ghetto, j'ai pu constater qu'on se blesse. Oui, j'ai au-dessus de la tête l'épée de Damoclès. Oui, certes, on se fait la guerre, mais c'est pour avoir la main bête. Parce que maman se lève tôt et mes ennemis me taisent. Et entre nous dans le ghetto, j'ai pu constater qu'on se blesse. Oui, j'ai au-dessus de la tête l'épée de Damoclès. Oui, certes, on se fait la guerre, mais c'est pour avoir la main bête. Spectateur d'un monde en péril, où la paix a signé un contrat d'intérim. Où devenir un homme sain, c'est péril. J'ai cherché la tranquillité, putain c'est un péril. Témoin de leur débat, ils nous trouvent incultes. Rouillage, je suis venu, j'ai vu, j'ai été vaincu. On a tous vu des choses qui traumatisent. Les soirs d'hiver glacial, je peux dire que le métro m'attriste. Des fois les larmes coulent, c'est automatique. C'est peut-être la saison, ou alors c'est trop la crise. J'ai vu cet homme seul, sale, qui pue la tise. Seul, sous, sale, sous le pluie, y'a plus son fils qu'il soutient. J'ai vu la solitude de cet homme qui jadis était un leader. Le 31 janvier dans les bacs, rendez-vous le lundi à la boutique boutique. Donc yeah. Son encaisse, on préfère fermer les yeux. Spectateur d'un film gore et je t'avoue. 31 mars, je me suis pétron. Spectateur d'une vie trop courte, si je pouvais réellement, je la referais. Spectateur d'un film gore et je t'avoue que la suite de mes frères. Spectateur d'une vie trop courte. Parce que maman se lève tôt et mes ennemis me taisent. Et entre nous dans le ghetto, j'ai pu constater qu'on se blesse. Oui, j'ai au-dessus de la tête l'épée de Damoclès. Oui, certes, on se fait la guerre, mais c'est pour avoir la main bête. Parce que maman se lève tôt et mes ennemis me taisent. Et entre nous dans le ghetto, j'ai pu constater qu'on se blesse. Oui, j'ai au-dessus de la tête l'épée de Damoclès. Oui, certes, on se fait la guerre, mais c'est pour avoir la main bête. Tout ce que j'ai vu m'a démontré que les petits frères seront perdus. J'ai vu que le mal se propageait, puis perdu. Perdu. C'est dur et lâche, je vois qu'on est perdu. Bloqué. Parce que maman se lève tôt et mes ennemis me taisent. Et entre nous dans le ghetto, j'ai pu constater qu'on se blesse. Oui, j'ai au-dessus de la tête l'épée de Damoclès. Oui, certes, on se fait la guerre, mais c'est pour avoir la main bête. Parce que maman se lève tôt et mes ennemis me taisent. Et entre nous dans le ghetto, j'ai pu constater qu'on se blesse. Oui, j'ai au-dessus de la tête l'épée de Damoclès. Oui, certes, on se fait la guerre, mais c'est pour avoir la main bête. J'ai fait mon bout de chemin, baba. Je suis peu bavard, je me pose et puis j'observe. J'ai fait mon bout de chemin, baba. Je suis peu bavard. Yeah. Je me pose et puis j'observe. J'ai fait mon bout de chemin, baba. Je suis peu bavard. Je me pose et puis j'observe. Chemin, baba, je suis peu. 31 mars dans les bacs. Les yeux plus gros que le monde. Les yeux plus gros que le monde, c'est dans 7 jours la sortie de l'album de Black M. Premier album solo pour Black M. Les yeux plus gros que le monde. Avec ce morceau, on retrouvera Spectateur et plein d'autres. Plein d'autres, plein de surprises, plein de gros morceaux. On attend avec impatience, on est pressé. Pareil pour le Watibos qui est là. Moi, j'ai assaigné tous les morceaux, je les ai assaignés. Ils sont. Est-ce que tu as une préférence, Watibos, dessus? Ah, il sait. Je connais, il je connais. Son il les connaît par cœur, t'inquiète. On a travaillé en soum-soum. Je connais, ouais. Mais on peut pas les mettre tout de suite parce qu'ils sont trop d'art. Il a écrit, bon. Voilà, il a même écrit. Hein. Et ils sont trop d'art. Il a des paroles. T'as écrit dessus? Joker. Bon, on va écouter du live dans un temps. Tu vas nous faire du live, Black M. Gros live, ouais. Juste avant, je vous présente Marocco de Valence. Marocco 26 de Valence, ça va bien? Ça va, tranquille. Est-ce que toi aussi tu attends avec impatience la sortie de l'album de Black M? Ah ouais, les yeux plus gros que le monde, ça va être de la frappe. Si. Merci mon sauce. Salut Marocco, en pleine forme? Ouais, en pleine forme, ça va, tranquille. Eh bah écoute, bienvenue, on va t'écouter rapper maintenant, c'est la session freestyle par téléphone. Ok, pas de soucis. Allez, coup d'envoi. Ok. Ok, yeah. Ça a fait. Yeah. Oh, faire du sale, j'ai pas le choix. Mon épée pas de moi. J'ai misé sur la musique et le rap car. C'est mon rap car, j'avais des cauchemars. J'ai du pige, j'ai traîné, voilà que le temps passe vite. Faire face à la crise, faire gaffe à son bise. Éviter les flics, c'est débrouiller du pif. Enrichir la mif, améliorer ça. Et fais le M si tu kiffes. Marocage toujours foncé, sans renoncer. Baisser les bras, abandonner, j'ai jamais pensé. Ne jamais revoir les larmes de ma mère dans les banquiers. Je vise le sommet, je perds le sommeil. Rien à foutre des grosses sèches. Je fais la grosse pièce. C'est deux pieds dans la merde, la tête dans les airs. Enfant du désert, l'Afrique c'est ma terre. Marocain, j'en suis fier. Fais le M, mi amore. Fais le M, tu me reconnais. Yeah. Marocco, tu sais que ça promet. Bah voilà, cours rapide, efficace, le M Marocco 26. Yes. Bien vu. Eh bah merci à toi Marocco 26. Eh bah merci à vous hein.

bagages en soute et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier. Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand, et on est seul, on meurt seul. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. Devoir devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route. Fait des coups en douce, l'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Yeah. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une chose. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route. Sur ma route. Sur ma route. Sur ma route. Sur ma route. Sur ma route. 31 mars. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. Devoir devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. Devoir devenir fou. Yeah. Merci à tous ceux qui soutiennent le Watibé, Ao, Big Black M, 31 mars dans les bacs, sur ma route. Sur ma route, à l'instant, c'est extrait de l'album de Black M qui sort donc le 31 mars. Un gros morceau aussi, celui-ci de l'album, qu'on a pu découvrir et que vous pouvez avoir dès maintenant si vous avez envie de le réécouter. Exact. À la maison. Une seule chose à faire, précommander l'album. Précommander l'album, tout simplement. Et vous l'avez tout de suite. Tout de suite. Il arrive direct. Demain, il y a un autre titre qui arrivera, je crois. Hein, c'est ça. Hein. Demain, il y en a un autre. Si vous avez précommandé l'album, pareil, ouais. Il arrive au fur et à mesure. On en parlera demain. D'accord. On ne dit rien pour l'instant. On ne dit rien. Je peux répéter les dates. J'ai des dates. Séance dédicace un peu partout dans la France. Alors je répète, le lundi 31 mars, rendez-vous à tous à la Wati Boutique à Châtelet, 29 rue de la Fée pour Black Ferronnerie. Tu viens avec ton CD, on t'offre direct un t-shirt. Un magnifique t-shirt, les yeux plus gros que le monde, c'est la pochette de l'album. Ok, voilà, donc ça c'est le 31 mars à la Wati Boutique. Mercredi 2 avril à Lille au Food Corner. Vendredi 4 avril, Montpellier au MHSC. Samedi 5 avril à Marseille à la Wati Boutique. Mercredi 9 avril, Toulouse, Météorite. Vendredi 11 avril, Lyon au People Wear. Samedi 12 avril, Bordeaux, California Dream. Mercredi 16 avril à Beauvais, à Cacheville. Vendredi 18 à Rennes, Project Store. Samedi 19 à Strasbourg, Store 67. Le vendredi 25 au Havre, au Foot Corner de mon gars Barakadama. Et la dernière, c'est samedi 3 mai à Béthune, à Intersport. Eh bah très bien, donc suivez la tournée sur la route de Black M. N'hésitez pas à aller le rencontrer, il est sur la route Black M. On sera là. Dans toute la France. Merci pour cette première soirée. Juste avant de se dire au revoir, on fait tourner la roulette, c'est parti. Parti. Skyrock t'offre tes places de ciné Captain America. La roulette qui tourne avec Chloé d'Angoulême. Salut Chloé. Salut. Salut Fred, ça va? Ça va, tu connais Black M? Évidemment. Évidemment. Tu attends l'album avec impatience, je suis sûr, Chloé. Ouais, on attend lundi. Tu as entendu les morceaux là qu'on a passé ce soir? C'est cool. Ouais. Bah, sur ma route, pour l'instant, c'est mon morceau préféré. Ah, merci. Merci. C'est merci. Vrai que ça se discute pas mal hein, sur ma route. Ouais, ça discute, ouais. Tout le monde veut que je le passe. Mais tu vas voir, il y en a encore plein d'autres hein, dessus. Franchement, il y en a encore plein d'autres que vous allez pouvoir découvrir cette semaine et dans les bacs lundi prochain. On fait tourner, Chloé, c'est parti? Ouais, c'est parti. Allez, dès que tu vas, tu dis stop, on y va, on fait tourner la roulette du côté d'Angoulême. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case. Chloé, ouais. Mercredi sort au cinéma Captain America. Tu y seras avec les personnes de ton choix. Il y a 5 places en tout qui arrivent à la maison. Ah, merci Fred. Je te fais des bisous. Ouais, il y a moyen de passer une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Alors, je dédicace donc Steve, Tab, Louise, Juju, ma cousine Jody, Précy, le vrai D Marina, le vrai D de Dry, et puis donc un nouveau groupe qui s'appelle Alien Dark. Ils viennent juste de sortir un nouveau son qui s'appelle Attrape-moi si tu peux. Ah. Faut aller les écouter, franchement, Alien Dark. Attrape-moi si tu peux. Attrape-moi si tu peux. Ok. Eh ben merci à toi. On te fait un bisou, Chloé. Et on salue Laetitia Limoges qui a gagné. Tout à l'heure, on a posé une question pour repartir avec l'album dédicacé. Comment s'appelle le premier projet de Black M? C'était l'extrait qu'on avait mis, le pacte avec Bakri qui était sorti en 2005. 2005, ouais. Merci Black M pour cette première soirée. Merci à toi. Tous les soirs. Rendez-vous à tous demain. 2021 avec cet album. Album qui sort dans 7 jours. 7 jours, J-7. Grosse sortie. Les yeux plus gros que le monde, à pas louper. Merci. Rendez-vous à tous demain soir. À toute l'équipe de l'Institut qui était là. Merci. Merci à tous les Wattie. J'ai vu les moitiés de Shinseka. Avec son emploi du temps chargé. Ah oui, le Wattie Boss qui reviendra. Comment va le foot? Comment va l'équipe de Bobigny? De Boboche? On se maintient tranquille, ça va. Bonne saison. Voilà. Et je voulais dédicacer à tous les Wattie soldats, plus de 800 000 sur le Facebook. Donc, on est super contents et merci et continuons ensemble. Et ben, on continue à les cliquer. Sur Jeff, qui nous suit depuis et qui est là. Longtemps. Dans le studio. Et Omega Black M demain. Supporter. Ouais, demain, on est le là. Retour pareil, un petit peu avant 20h pour la suite et de ce Planète Rap. Les yeux plus gros que le monde. 31 mars, retenez bien. Et là, on va retrouver D-Fool qui doit être là aussi. T'étais chez D-Fool il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Pas très longtemps, ouais. Je suis souvent là-bas. T'avais fait découvrir un clip aussi chez D-Fool. Ouais, spectateur. C'était spectateur? Exact. Est-ce que vous êtes connecté? Oui, voilà. On est là. Salut Black M. Salut Fredo, ouais. Salut. Comment ça va? Bien? Ouais, très très bien, et vous? Ben nous aussi, ça va bien. Content de... Enfin l'album, ça y est. Enfin, il est là, enfin. Enfin. T'es content? Bah grave, enfin il est pas encore sorti, mais... Oui, c'est vrai, ouais. Oui, bah on attend encore, on attend, toujours. J-7. Là, c'est la phase de lancement, c'est comme une fusée en fait. La fusée, ouais, c'est la phase de lancement. C'est lundi prochain la fusée, et sinon la phase de lancement à vivre tous les soirs dans Planète Rap. C'est ça. Tu sais qu'on a failli gaffer l'autre jour, on a reçu Kev Adams l'autre matin, il est venu nous voir dans le morning. Et il est pas dit pour le clip? Ah bah pour le clip, j'ai fait, ah bah t'as prévu un truc avec Black M, et là il devient tout blanc. Déjà qu'au réveil qu'à madame, s'il est plutôt blanc, hein. Mais là il devient blanc-vert et il fait chut, ah ouais, ta gueule. Je fais oui, donc t'aimes bien Black M. Et bon, il aime bien Black M et il est sur ton clip en plus. Bah ouais, le clip il est arrivé aujourd'hui. Ouais, on l'a eu d'ailleurs, Kev Adams, son début d'émission. Il nous a appelé, ouais. Oui, bah, il fallait pas le dire ça à l'époque. Non, il fallait pas le dire. Mais on peut y aller 15 jours. Juste après cliquer, vous pouvez mater le clip. Ouais, allez le voir le clip là. Le clip de. Madame Pavoshko. Exact. Exactement. Et bah demain, Madame Pavoshko et tout le reste, tout l'album à découvrir, c'est à partir juste avant 20h, tu disais Fred. Yes. On sera là demain, Black M, soir. Et puis tu passes nous voir quand tu veux dans la semaine. Merci beaucoup. Ça va nous faire plaisir. Un petit coucou. Avec plaisir. Et nous là, c'est parti jusqu'à minuit, Radio Libre. Ciao, ciao. Coup d'envoi. Coup d'envoi. Allez, coup d'envoi pour tout le monde. Vous nous appelez, vous laissez des messages sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, leskyrock.com. Tout le reste aussi, allez-y au 01 53 40 30 20. Toute l'équipe vous attend. On arrive dans, allez, pas longtemps, une minute. À tout de suite. Allez, une minute trente. Allez, à tout de suite. À toutes. Radio Libre, c'est parti sur Skyrock.